Et maintenant, quelque chose de complètement différent. À la place de « elle est très occupée », on va simplement dire « elle est occupée ». Alors, « elle ». Ta. Le mot vide. Ren. Occupée. Mang. Ta ren mang. Ce sont exactement les mêmes mots. Nous utilisons exactement les mêmes mots, mais ils seront compris différemment selon le contexte, en fonction de comment on insiste sur le trait. Alors, je suis occupé. Je. Wo. Le mot vide. Ren. Occupé. Mang. Wo ren mang. Et maintenant, tu es occupé. Tu. Ni. Le mot vide. Ren. Occupé. Mang. Ni ren mang. Et maintenant, comment direz-vous « je ne suis pas occupé » ? Je. Wo. Ne pas. Pu. Occupé. Mang. Wo pu mang. Et maintenant, dites-moi, es-tu occupé ? Tu. Ni. Occupé. Mang. Le mot interrogatif. Ma. Ni. Mang ma. Et maintenant, comment direz-vous est-il occupé ? Il. Ta. Occupé. Ren mang. Alors, il faut le mot interrogatif, hein, car nous posons une question ici. Ma. D'accord, alors revenons en arrière juste une minute. Hein. Vous n'avez pas besoin du mot vide. Donc, est-il occupé ? Il. Ta. Occupé. Mang. Et le mot interrogatif ? Ma. Donc, s'il y a ne pas, ou si c'est une question, on n'a pas besoin du mot vide. Oui, si c'est une question. Ah oui, parce qu'on a déjà un mot d'une syllabe. Et donc, on a un mot complémentaire. Mais, si dans une question, vous voulez demander « es-tu très occupé ?», vous pouvez quand même l'ajouter. Ah oui, bien sûr, parce que c'est pour insister dessus alors. C'est ça. D'accord, merci. Et puisque vous en avez parlé, comment dites-vous « il n'est pas occupé » ? Il. Ta. Ne pas. Bou. Occupé. Mang. Ta bu mang. Et maintenant, dites-moi, est-il occupé ? Il. Ta. Occupé. Mang. Le mot interrogatif. Ma. Ta mang ma. Et maintenant, vous répondez non, il n'est pas occupé. Littéralement, ne pas être occupé. Pu mang. Comment avez-vous dit ne pas? Pu. Il faut dire pu. Donc, nous avons ce mot vide. Ren. Et ce mot vide, comme nous l'avons dit, peut être utilisé quand nous avons besoin de rajouter cette syllabe supplémentaire avec les adjectifs à moteur, hein, ceux qui ont le verbe être intégré comme occupé. Alors, quand nous voulons vraiment dire « il est très occupé », nous allons insister légèrement sur le mot « vide », c'est-à-dire sur le mot « très ». Donc, si vous voulez dire « il est très occupé » et vous remarquerez que j'ai un peu accentué le « très », comment faites-vous cela ? Alors, « il »« ta »« très »« ren »« occupé »« mang » Encore une fois, comment dites-vous « occupé » ? Mang. C'est mang avec un doigt bleu levé. Hein ? Qu'est-ce que tu dis ? Hein ? Ta ren mang.